tragique. Belle histoire magnifique qui venait de la pierre. Dans les deux de la tourière, il va pour échapper. Vos odeurs de métier, ouvrez ma cage. Putain, que je t'empêche d'or en main, ouvrez-moi le cerveau. Que je puisse lâcher mon podiatide une heure sur terre. Qui aimera mon erreur, ma chanson, mon credo. Ouvrez mes problèmes de l'eau, caraïe. Caraïe. Je crierai jusqu'au jour où mon squelette pas l'eau poussera ses soupirs. De chair et de talons, je crierai jusqu'au jour où mon crâne de blaireau laissera ses turpitudes. Barrer au fil de l'eau, caraïbes. Ces langueurs monotones baissent mon corps. Ces langueurs me désolent, caraïbes. Ces langueurs monotones baissent mon corps. Ces langueurs me désolent. Caraïbes sans homme, et moi je veux payer, je veux faire.